goyon en peignoir, tu bédaves dans le noir. J'enlève tes collants dans le noir. Lui vit les accessoires. Je suis un astigmate dans le noir, j'traite les actions boursières. J'fonds du belti, j'suis banné hier. J'enlève tes collants dans le noir. Lui vit les accessoires. Je suis un astigmate dans le noir, j'traite les actions boursières. J'fonds du belti, j'suis banné hier. Zéro coin portefeuille plein. J'regarde même plus le prix du plein. Belti qui tâche, j'ai les yeux en amande. J'réponds pas au cœur, j'paye pas mes amendes. J'ai une teinte, tu m'envoies des lettres. C'est la Marianne en string ficelle. Elle parle fort, elle s'agite, elle me dit que je roule vite. Je lui dis c'est normal, baby j'ai un VU. J'suis le goyon en peignoir qui bédave dans le noir. J'enlève tes collants dans le noir. Louis vit les accessoires. J'suis un astigmate dans le noir. J'traite les actions boursières. J'fais du belge, j'suis pas né hier. J'enlève tes collants dans le noir. Louis vit les accessoires. J'suis un astigmate dans le noir. J'traite les actions boursières. J'fais du belge, j'suis pas né hier. Zéro coin portefeuille plein. Je regarde même plus le prix du plein. Belle dit qu'il tâche, j'ai les yeux en amande. Je réponds pas au keuf, je paye pas mes amendes. J'ai une teinte, tu m'envoies des lettres. C'est la Marianne en string ficelle. Elle parle fort, elle s'agite. Elle me dit que je roule vite. Je lui dis c'est normal, baby j'ai envie. J'enlève tes collants dans le noir. Louis vit les accessoires. Je suis un astigmate dans le noir. Je traite des actions boursières. Je fais du belle dit, je suis pas né. J'enlève tes collants dans le noir. Lui vit les accessoires. J'suis un astigmate dans le noir. J'fais des actions boursières. C'est du belge, j'suis pas né hier. Zéro point portefeuille plein. J'regarde même plus le prix du plein.